Alors t'as fait mon voyage? Bah c'était long hein, mais le principal là, je suis arrivé et je suis content là. Bah t'es prêt pour faire la fête? Bah bien sûr, je suis OP. Bon, on est parti alors? On est parti! Hasta siempre, pasaremos nuestros veranos juntos. Hasta siempre, détends-toi en écoutant du son cassot. T'inquiète pas, moi je suis au taquet, je suis chaud, desperados dans les veines, le soleil tape sur ma peau. Voici Liamo sur la scène, casse au 53 dans le dos. Et que vous n'avez pas la haine si je t'ai laissé sur le carreau. Si jamais on te plaît pas, c'est pas grave, Fabronido. Je suis en vacances, me dérange pas, ou je m'énerve aussitôt. Avec mes sauces, on se détend, y'a pas de passe pour les mythos. Sur la plage, nous on s'étend, va me chercher un mojito. En mode casso, sous le soleil, avec les potes, c'est pas pareil. De la Bretagne à Marseille, profite bien et prends bien note de mes conseils. Les moments les meilleurs ne sont jamais ceux qu'on paye, ne sont jamais ceux qu'on paye. Ma familia est dans la perte, du terrain de foot jusqu'à la base. Et si jamais je pars pas, c'est pas grave, je pleure pas. Faut garder son sourire et faire avec ce qu'on a. Faut garder son sourire et faire avec ce qu'on a. Hasta siempre, pasaremos nuestros veranos juntos. Hasta siempre, détends-toi en écoutant du son cassot. Vas-y, détends-toi, la musique est en toi. Oublie tous tes soucis, c'est les vacances, alors souris. Acuéstate en la playa e intenta relajarte. Por la noche es la fiesta y tienes que divertirte. T'écoutes le hit de l'été, alors profite sans t'arrêter. Et surtout faut pas hésiter à le faire tourner dans tes soirées. Bah ver a tus amigos, si habla con las muchachas. Intenta con estos locos, de seducir estas guapas. Casse dans l'âme, nous on connaît pas le stress. On évolue sans état d'âme, on fait des rimes sans maladresse. Hasta siempre encontraré las vacaciones. Con los casos mis colegas olvidaré mis problemas. Mets nos trois voix dans ta sono, on garantit l'ambiance. Métaphore et assonance, nous c'est essence que l'on en sent. Para estar conocidos, lucharemos, seguiremos. Estando la familia casos, todos juntos venceremos. Hasta siempre, pasaremos nuestros veranos juntos. Hasta siempre, détends-toi en écoutant du son cassot. Todos juntos en un coche empezamos por la noche. Si tomamos hasta siempre son los casos y la despe. Siempre estaré un miembro de la familia. Porfa dime cómo te fue en tu vuelto y ven acá. Necesito mis amigos para disfrutar la vida. Dime chico y tus locos porque miran esta guapa. En verano debes reír y sonreír como nunca. Olvidará tu pasado y encantar a la fiesta. Llega tu felicidad y muévete en el ritmo. Con un poco de amistad se parece que te quiero. Invitas a tus amigos para subir el ambiente. Por aquí están los casos, siempre con rima adelante. Hasta siempre, pasaremos nuestros veranos juntos. Hasta siempre, détends-toi en écoutant du son.